Il faisait un vent à décorner les bœufs, le jour où le cocu a pris qu'il l'était. Depuis belle lurette, le cocu se doutait que sa femme à lunettes jouait un double jeu. Les fortes bourrasques ne risquaient plus alors de mettre en péril sa coiffe magistrale, quand sa tendre salope lui en apprit encore au sujet de frasques bucco-génitales. Elle tomba de son piédestal. Sa femme adultère, ne pouvant nier l'affaire, se mit à table et dit tout en pleurant que son amant remettait le couvert plusieurs fois par jour et détails croustillants. S'offrit parmi le large florilège des pratiques sexuelles le meilleur du vice, car c'est bien lui qui eut le privilège de déflorer de ses petits trous le moins lisse, lui qui la croyait blanche comme neige. La catin sodomite révélait alors une facette d'elle-même inconnue du mari, son désir de bite et son côté hardcore. Alors qu'il s'ennuyait depuis 10 ans au lit, il entrevit alors une ère nouvelle, se mit à l'œuvre à l'érection d'un marchepied menant au 7e ciel, un piédestal pour leur union en hommage au cul.